sol. Pas le savoir. Yo, yo, lapin est une définition qui échappe à l'homme. Homme, quelle est notre destination? En tout cas, pas sous un homme. Homme, lapin est une définition qui échappe à l'homme. Homme, quelle est notre destination? En tout cas, pas sous un homme. Non, moi je ne veux pas de malédiction. Que de la good vibration, qu'il y a une bonne production. Tcha-tcha, donne-nous une bonne prédication. Parce que dans mon cœur, il y a beaucoup trop de fausses questions. Il peut pas que d'un seul, mes études sont ma mission. Bénis mon père et ma mère en toute communication. Bénis-nous, malgré nos mauvaises actions. Malgré nos folies, malgré nos fashions. Heureusement, il y a deux hommes qui ont la pure vocation. Du nord au sud, quelle que soit leur location. Il y a des riches au champ, il y a des pauvres. Le politique n'arrête pas de se clasher. Yo, la paix est une définition qui échappe à l'homme. Homme, quelle est notre destination? En tout cas, pas sous un homme. La paix est une définition qui échappe à l'homme. Homme, quelle est notre destination? En tout cas, pas sous un homme. Au fond du cœur, je prends le pied au max, c'est cool. Prie le Seigneur avant que tout ce monde s'écroule. Restaure le corps avec la bénédiction. Sur mon île, sur mon peuple, sur l'esprit de la foule. Je ne comprends pas qu'il y ait une clé, une serrure. Je vois des hommes ici qui ont deux clés, mais pas de serrure. Je ne comprends pas que sur mon île de beauté, le mal ne cesse de se concocter. La paix est une définition qui échappe à l'homme. Quelle est notre destination? En tout cas pas sous un homme. La paix est une définition qui échappe à l'homme. Quelle est notre destination? En tout cas pas sous un homme. LBS, est-ce que vous êtes là ce soir? Hey, la paix est une définition qui échappe à l'homme. Homme, quelle est notre destination? En tout cas pas sous un homme. Homme, la paix est une définition qui échappe à l'homme. Homme, quelle est notre destination? En tout cas pas sous un homme.